Chapitre 7. Le calme relatif que Saniel avait éprouvé depuis son mariage, c'était à Phyllis qu'il le devait, à la force, à la confiance, à la paix qu'il puisait en elle. Phyllis sans force, sans confiance, sans paix intérieure, telle qu'il la voyait maintenant, ne pouvait lui donner ce qu'elle n'avait plus, et il revenait au temps bouleversé qui avait précédé son mariage, avec les mêmes agitations désordonnées et stériles, les mêmes angoisses, le même affolement. Les belles relations, la considération mondaine, le succès, les décorations, les honneurs, c'était bon pour les autres. Mais pour son repos, il fallait la tranquillité et la sérénité de sa femme, sa bonne santé morale qui passait en lui lorsqu'elle dormait sur son épaule. Alors, pas de brusque réveil, pas d'insomnie. Au bruit de sa douce respiration, il se rassurait et les spectres restaient dans leur tombe. Mais que cette respiration fût agitée, qu'il ne sentît plus en elle cette tranquillité et cette sérénité, qu'il la vit faible, inquiète, il n'en était plus ainsi. C'était sa fièvre qu'elle lui donnait, non son sommeil. « Tu ne dors pas? Pourquoi ne dors-tu pas? Et toi ?» Il fallait qu'il sût. Il avait recommencé ses questions, mais elle s'était toujours défendue, dérobée plutôt, sans qu'il pût rien tirer d'elle, arrêté qu'il était par la peur de se livrer, ce qui semblait facile au point où l'on devait croire qu'elle était arrivée. Un mot maladroit, une insistance trop appuyée, faisait en elle la lumière. Aussi affectait-il de ne parler que comme médecin lorsqu'il l'interrogeait et de ne chercher en elle que des explications médicales à son état. « Si tu ne dors pas, c'est que tu es souffrante. Quelle est cette souffrance? D'où provient-elle » N'ayant pas de raison à donner pour la justifier, puisqu'elle n'osait même pas parler de son frère, elle la niait obstinément. « Mais je n'ai rien, » répétait-elle. « Je t'assure que je n'ai rien. Que veux-tu que j'aie ?»« C'est ce que je te demande. »« Alors moi je te demande, que veux-tu que je te cache ?» Il ne pouvait pas avouer qu'il la soupçonnait de vouloir lui cacher quelque chose. « Tu t'observes mal. »« Je n'y puis rien. »« Je te forcerai à t'observer mieux et à parler. » »« Et comment ?»« En t'endormant. » La menace était si terrible qu'elle la jeta hors d'elle-même. « Ne fais pas cela !» s'écria-t-elle. « Et pourquoi ne le ferais-je pas ?» Ils se regardèrent quelques instants en silence, aussi épouvantés l'un que l'autre. Elle de la menace, lui de l'aveu qu'il venait d'arracher. Mais montrer cette épouvante était de son côté, en lâcher un autre plus grave encore. « Pourquoi ne chercherais-je pas, par tous les moyens, à découvrir en toi les causes de ces malaises qui se dérobent à mon examen comme au tien? Pour cela, le somnambulisme provoqué nous en offre un excellent. « Mais puisque je ne suis pas malade, essaya-t-elle, que te dirais-je de plus, endormi, que ce que je te dis éveillé ? Eh bien, mais nous verrons. C'est une expérience que je te demande de ne pas tenter. Essayerais-tu un poison sur moi ? Le somnambulisme n'est pas un poison. Qui sait ? Ceux qui l'ont manié. Mais tu n'es pas de ceux-là. Encore en sais-je assez pour que tu ne cours aucun danger entre mes mains. » Elle crut qu'il lui ouvrait une porte pour s'échapper. « C'est égal, j'aurais trop grande peur. Si jamais tu veux que je parle en état de somnambulisme provoqué, demande à celui de tes confrères en qui tu as confiance de m'endormir. » Devant un confrère, elle était certaine qu'il ne lui serait pas posé de questions dangereuses. Il comprit qu'elle voulait encore se dérober. « Peur de quoi ? » dit-il. « Peur que je t'interroge sur le passé ? Sur ce qu'a été ta vie avant que nous nous connaissions ? Et te demande une confession qui serait une blessure pour mon amour ?»« Oh, Victor ! » s'écria-t-elle éperdue. « Quelle blessure plus cruelle au mien pouvais-tu faire que celle de ces paroles ? Ma confession ? Mais elle tient dans deux mots. Je t'aime. Je n'ai jamais aimé que toi. Je n'aimerai jamais que toi. De passé, je n'en ai point. Ma vie a commencé avec mon amour. » Il ne pouvait pas la presser davantage sans montrer l'importance qu'il attachait à cet interrogatoire. « Je n'insiste pas, dit-il. C'était un moyen comme un autre, meilleur qu'un autre. Tu n'en veux pas, n'en parlons plus. » Mais il avait cédé trop vite pour qu'elle pût espérer qu'il renonçait à son projet. Et elle resta sous le coup d'une frayeur stupéfiante. Que dirait-elle s'il la faisait parler? Tout n'était-il pas possible, alors qu'elle ne savait même pas quelle pensée se cachait au fond de son cerveau et qu'elle ignorait entièrement ce qu'était ce somnambulisme provoqué dont elle était menacée? À cette époque, les travaux de l'école de Nancy sur le sommeil, l'hypnotisme et la suggestion n'avaient pas encore été publiés, ou tout au moins le livre qui leur a servi de point de départ n'était pas connu. Et elle ne savait rien de ces procédés qu'on peut employer pour provoquer le sommeil hypnotique, en étant restée à ce qu'elle avait lu, sans y prêter grande attention d'ailleurs, sur Cagliostro. Aussitôt que son mari fut parti, elle chercha dans la bibliothèque les livres qui pouvaient l'éclairer. Mais le dictionnaire qu'elle trouva ne fournit à sa curiosité que des renseignements obscurs ou confus, au milieu desquels elle se noya. Le seul point précis qui la frappa fut la formule à employer pour provoquer le sommeil. Faire regarder au sujet qu'on veut endormir un objet brillant placé à 15 ou 20 centimètres au-dessus de ses yeux. Si cela était vrai, elle n'avait pas à craindre d'être jamais endormie. Cependant, elle ne se laissa pas rassurer. Et comme à quelques jours de là, elle se trouva dans un dîner à côté d'un confrère de son mari, qui, elle le savait, s'occupait de somnambulisme, elle eut le courage de vaincre sa timidité habituelle en tout ce qui touchait à la médecine, pour l'interroger. Est-ce qu'il n'y a que les personnes malades de certaines maladies qui peuvent être mises en état de somnambulisme? C'était une croyance autrefois admise par le public et par beaucoup de médecins qu'on ne pouvait provoquer le somnambulisme que chez les sujets atteints d'hystérie et de nervosisme. Mais il y avait là une erreur. Le somnambulisme artificiel s'obtient chez un grand nombre de sujets parfaitement sains. Conserve-t-on sa volonté dans le sommeil? Le sujet ne conserve de spontanéité et de volonté que ce que veut bien lui en laisser son hypnotiseur, qui, à son gré, peut le rendre triste, gai, colère, tendre, et jouer de son âme comme d'un instrument. Note de bas de page. H. Bonis, le somnambulisme provoqué. Retour au texte. Mais c'est effroyable. Curieux, au moins. Il est certain qu'il y a une paralysie locale de telle ou telle cellule dont l'étude deviendra le point de départ de découvertes intéressantes. Une fois réveillé, le sujet se rappelle-t-il ce qu'il a dit pendant son sommeil? On n'est pas d'accord là-dessus. Les uns sont pour l'affirmative, les autres pour la négative. Quant à moi, je crois que le souvenir tient pour beaucoup au degré de sommeil du sujet. Sommeil léger, il y a souvenir. Sommeil profond, le sujet ne se rappelle ni ce qu'il a dit, ni ce qu'il a entendu, ni ce qu'il a fait. Elle eût voulu continuer, et son interlocuteur, heureux de parler de ce qui l'occupait, l'eût volontiers suivi. Mais elle vit son mari placé à l'autre bout de la table, les regarder à plusieurs reprises, et de peur qu'il ne devinât le sujet de leur entretien, elle en resta là. Ce qu'elle venait d'apprendre lui paraissait effroyable, son cri le disait. Mais enfin, tant qu'elle ne se laisserait pas hypnotiser, elle n'avait rien à craindre. Et s'en tenant à ce qu'elle avait lu, elle se promettait de ne jamais accepter qu'il la plaçât dans des conditions où il pourrait l'endormir. C'était pendant le sommeil que la volonté de l'hypnotiseur se substituait à celle du sujet, non pendant la veille. S'appuyant sur cette croyance et aussi sur ce qu'il ne lui avait plus reparlé de l'endormir, elle se rassura. N'était-ce pas la marque qu'il acceptait la résistance qu'elle lui avait opposée et renonçait à son idée de somnambulisme provoqué? Mais elle se trompait. Une nuit qu'elle s'était couchée à son heure habituelle, tandis qu'il restait à travailler, elle s'éveilla brusquement et le vit debout près d'elle, la regardant avec des yeux dont la fixité l'effraya. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Que veux-tu ? » « Il n'y a rien, je ne veux rien, je me couche. » Malgré l'étrangeté du regard qui l'avait frappé, elle n'insista pas. Les questions ne lui auraient rien appris. Et d'ailleurs, maintenant qu'il ne se mettait plus au lit en même temps qu'elle, il n'y avait rien d'extraordinaire dans son attitude. Mais à quelques jours de là, elle se réveilla encore dans la nuit sous une impression de gêne. Elle le vit pencher sur elle comme s'il voulait l'envelopper de ses deux bras. Cette fois, si effrayée qu'elle fut, elle eut la force de ne rien dire. Mais son angoisse n'en fut que plus intense. Voulait-il donc l'hypnotiser pendant qu'elle dormait? Était-ce possible? Alors le dictionnaire l'avait donc trompée? Exact au moment de sa publication, ce dictionnaire ne l'était plus quant aux procédés à employer pour amener le sommeil. C'était en effet pendant qu'elle dormait que par des passes, Saniel cherchait à transformer en artificiel son sommeil naturel. Réussirait-il ? Il n'en savait rien, puisque l'expérience était neuve. Mais enfin, il la risquait. La première fois, au lieu de la mettre en état de somnambulisme, il l'avait réveillée. La seconde, il n'avait pas mieux réussi. La troisième, quand il vit qu'après un certain temps, elle n'ouvrait pas les yeux, il supposa qu'elle était endormie. Pour s'en assurer, il lui leva un bras qui resta en l'air jusqu'à ce qu'il la baissât sur le lit. Puis, lui prenant les deux mains, il les fit tourner et retirant les siennes, l'impulsion qu'il avait donnée continua jusqu'à ce qu'il l'arrêtât. Sa physionomie avait une expression de calme et de tranquillité qu'on ne voyait plus en elle depuis longtemps. Elle était la jolie Phyllis d'autrefois, au visage enjoué. « Demain, je t'endormirai à la même heure, dit-il, et tu parleras. » Le lendemain, en effet, il l'endormit, et plus facilement encore. Mais quand il l'interrogea, elle résista. « Non, dit-elle, je ne parlerai pas. C'est horrible. Je ne veux pas, je ne peux pas. » Il insista, elle se défendit. « Eh bien, soit, dit-il, pas aujourd'hui, demain. Mais demain, je veux que tu parles et que tu ne me résistes pas. Je veux. » S'il n'avait pas insisté, c'était non seulement parce qu'il savait qu'il fallait une accoutumance pour la soumettre à sa volonté sans qu'elle pût se défendre, mais encore parce qu'il ignorait si elle garderait ou ne garderait pas, éveillée, le souvenir de ce qui s'était passé dans son sommeil, ce qui était un point capital. Le lendemain, elle fut ce qu'elle était la veille, et rien n'indiquait qu'elle eût conscience de son sommeil provoqué, pas plus que de ce qu'elle avait dit dans ce sommeil. Il pouvait donc continuer. Cette fois, elle s'endormit plus vite encore, plus facilement, et sa physionomie prit de nouveau l'expression de tranquillité reposée qu'il avait vue la veille. Allait-elle répondre? Et si elle y consentait? Parlerait-elle sincèrement, sans chercher à atténuer ou à fausser la vérité? L'émotion faisait trembler sa voix lorsqu'il lui posa sa première question. C'était sa vie, son repos, leur bonheur à tous deux qui se décidaient. « Où souffres-tu ? » demanda-t-il. « Je ne souffre pas. Cependant, tu es agitée, sombre quelquefois, ou bien inquiète. Tu dors mal. Qui te tourmente ? » ?»« J'ai peur. » »« Peur de quoi ? De qui ? » ?»« De toi. » Il frissonna. « Peur de moi ? Crois-tu donc que je puisse te faire du mal ? » ?»« Non. » Son cœur serré se détendit. « Alors, pourquoi as-tu peur ? » ?»« Parce qu'il se passe en toi des choses qui m'épouvantent. »« Quelles choses ? Il faut les préciser. » »« Les changements qui se sont faits dans ton humeur, ton caractère, tes habitudes. » »« En quoi ces changements peuvent-ils t'inquiéter ? » ?»« En cela qui sont les indices d'une situation grave. » « Quelle situation ? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais précisé. » « Pourquoi ne l'as-tu pas précisé ? » ?»« Parce que j'ai eu peur, alors j'ai fermé les yeux pour ne pas voir. » »« Voir quoi ? L'explication de tout ce qui est mystère dans ta vie. » »« Quand as-tu remarqué du mystère dans ma vie ? » ?»« Au moment de la mort de Kafié, et avant, quand tu m'avais dit que tu le tuerais sans aucun remords. » »« Sais-tu qui a tué Kafié ? » ?»« Non. » Son soulagement fut si grand que pendant quelques instants, il oublia de continuer son interrogatoire. Puis il reprit. « Et après ?»« Un peu avant la mort de Madame d'Amauville, quand tu es devenu irritable et furieux à propos de rien, quand tu m'as chassé parce que tu ne voulais pas voir Madame d'Amauville, quand, le soir qui a précédé sa mort, tu t'es montré si tendre et m'as demandé de ne pas te juger sans me rappeler cette heure. Et cependant, tu m'as jugé. Jamais. Quand l'inquiétude me poussait, mon amour m'arrêtait. Qui provoquait cette inquiétude en dehors de ces faits ? Ta manière d'être depuis notre mariage, tes accès de colère et de tendresse, ta peur d'être observée, ton agitation la nuit, tes plaintes. « J'ai parlé ? » s'écria-t-il. « Jamais distinctement, mais tu gémis souvent, tu te plains, tu prononces des mots entrecoupés et sans suite, inintelligibles. » L'angoisse avait été violente. Quand il fut remis, il continua. « Qu'est-ce qui t'a encore inquiété dans cette manière d'être ? Ton constant souci de ne pas te livrer. »« Livrer quoi ? Je ne sais pas. Et encore ? La colère que tu ressens, ou l'embarras, quand on prononce le nom de Kafié, celui de Madame d'Amauville, celui de Florentin. Es-tu conclu de ma colère à entendre ces trois noms ? Rien, j'ai peur. Chapitre 8. Cette confession le bouleversa, car si elle n'allait pas au-delà de ce qu'il avait craint, elle révélait cependant une situation terrible. Clairement, à livre ouvert, il avait lu en elle. Si elle ne savait pas tout, elle n'avait plus qu'un pas à faire pour arriver à la vérité. Et si elle ne l'avait pas fait, c'était parce que son amour l'avait retenue. Moins solide, cet amour, moins grand, elle n'eût certainement pas résisté aux preuves qui de tous côtés la pressaient. Mais pour que cette résistance se fût maintenue jusqu'à ce jour, il n'en fallait pas conclure que la lutte se continuerait ainsi et qu'un coup plus violent, une preuve plus forte que les autres, ne lui ouvrirait pas les yeux malgré elle. Il ne fallait pour cela qu'une imprudence, une maladresse de sa part, et par malheur, il n'en était plus à les compter. Instruit par ce qu'il venait d'apprendre, il lui était facile, il est vrai, en s'observant sévèrement, d'éviter les sujets dangereux, ceux qu'elle venait de lui signaler. Mais s'il pouvait le jour veiller sur ses paroles et sur ses regards, ne rien dire ou ne rien laisser paraître qui fût une accusation, ne pas confirmer les soupçons contre lesquels elle se débattait, il ne pouvait rien la nuit. Il n'avait pas parlé, et c'était un poids terriblement lourd qu'elle lui avait ôté de dessus le cœur en répondant négativement à sa question. Mais il avait gémi, il s'était plaint. Il avait prononcé des mots entrecoupés, sans suite, inintelligibles, et là se trouvait le danger. Que fallait-il pour que ces soupirs et ces gémissements, ces mots entrecoupés et inintelligibles, devinssent distincts et prissent un sens ? Un rien, un hasard, puisque ses dispositions cérébrales actuelles le mettaient jusqu'à un certain point en état de somnambulisme. Ces dispositions étaient-elles congénitales chez lui ou acquises ? Il n'en savait rien. Et avant les nuits agitées qui avaient suivi la mort de Madame d'Amauville et la condamnation de Florentin, il n'avait jamais eu l'idée qu'il pouvait parler dans son sommeil. Mais maintenant il avait la preuve que les craintes vagues qui le tourmentaient à ce sujet n'étaient que trop fondées. Il parlait, et si les paroles qui lui échappaient n'étaient pas en ce moment compréhensibles, elles pouvaient le devenir. Sans avoir fait une étude particulière du sommeil, spontané ou provoqué, il savait que chez les somnambules naturels, le sommeil hypnotique est facile à produire et qu'en s'entretenant avec un sujet qui parle en dormant, on peut facilement l'hypnotiser. Sans doute il n'avait pas cela à craindre de Phyllis. Mais le possible, c'était qu'une nuit où il laisserait échapper des mots incohérents, elle ne put pas résister à la tentation d'engager avec lui une conversation et de l'amener à confesser ce qu'elle voulait savoir, ce que l'amour qu'elle éprouvait pour son frère la poussait à vouloir apprendre. Si ce cas se présentait, lequel de l'amour pour le frère ou de l'amour pour le mari l'emporterait ? Et si elle l'interrogeait, que ne dirait-il pas ? Pour la première fois, il se demanda s'il avait eu raison de se marier et si, au contraire, il n'avait pas commis une imprudence folle d'introduire une femme dans une vie tourmentée comme la sienne. À cette femme, il avait demandé le calme, et c'était l'épouvante que maintenant elle lui apportait. À la vérité, il n'y avait que la nuit qu'elle fut dangereuse, et s'il trouvait moyen de faire chambre à part, il n'aurait rien à craindre d'elle le jour, à condition de se tenir sur une défensive rigoureuse. L'aimant comme elle l'aimait, elle résisterait à la curiosité qui l'entraînait, et si la quiétude la poussait, son amour la retiendrait, ainsi qu'elle le disait elle-même. Peu à peu, cette inquiétude et cette curiosité, n'étant plus surexcitées, s'apaiseraient, et ils pourraient revoir les douces journées qui avaient suivi leur mariage. Mais dans les conditions présentes, ce moyen était difficile à trouver, car proposer à Phyllis de faire deux chambres, c'était avouer qu'il avait peur d'elle, et par conséquent lui donner un nouveau mystère à étudier. Il chercha, et partant de l'idée qu'il fallait que la proposition des deux chambres vînt de Phyllis elle-même, il arriva à une combinaison qui, semblait-il, pouvait réaliser ce qu'il voulait. Ignorant qu'elle avait été hypnotisée, et ne se souvenant pas qu'elle avait parlé, Phyllis restait toujours, sans doute, sous la crainte d'être endormie. Qu'il l'emmenaçât de nouveau, et certainement elle chercherait à se défendre en lui échappant. Ce fut ce qui arriva. Quand, le lendemain même, il lui dit que décidément il voulait l'endormir pour savoir ce qui se passait en elle, elle montra le même effroi que la première fois. « Tout ce que tu m'as demandé, tout ce que tu as désiré, » dit-elle en s'efforçant de se contenir, « je l'ai voulu comme toi et avec toi, mais cela je ne l'accepterai jamais. Comme ta résistance est folle, je ne m'y arrêterai pas. Tu ne m'endormiras pas malgré moi. » « Parfaitement. Ce n'est pas possible. » Sans répondre, il alla prendre un livre dans sa bibliothèque et l'ayant feuilleté, il lut. « Peut-on faire passer une personne endormie sans la réveiller ?» Du sommeil naturel au sommeil hypnotique. La chose est possible, au moins pour certains sujets. Puis, lui tendant le livre, « Tu vois que pour t'endormir artificiellement, je n'ai qu'à profiter du moment où tu dors naturellement. C'est bien simple. »« Ce serait odieux ?»« Ce sont des mots. » Il l'avait jeté dans une frayeur qui toute la nuit la tint éveillée, enfiévrée, et comme lui-même ne dormit pas de peur de parler, il sentit qu'elle ferait tout pour n'être pas endormie. Mais n'avait-il pas été trop loin? Et par cette menace, n'allait-il pas la pousser à quelque acte désespéré? Si elle se sauvait, si elle l'abandonnait, que deviendrait-il sans elle? N'était-elle pas toute sa vie? Mais il se rassura en se disant qu'elle l'aimait trop pour qu'une séparation fût jamais possible. Après avoir cherché, elle viendrait sans doute d'elle-même à l'idée qu'il voulait qu'elle eût. En effet, quand il rentra le soir, elle lui dit que sa mère n'était pas en bonne santé et qu'elle le priait de l'examiner. De cet examen, il résulta que Madame Cormier était dans son état ordinaire. Cependant, elle se plaignait d'étouffement. Dans la journée, elle avait craint une syncope. « Si tu voulais, » dit-elle, « je coucherais auprès de maman. J'ai peur de ne pas l'entendre cette nuit, si elle est souffrante. » Il commença par refuser. Puis il consentit à cet arrangement, et pour la remercier, elle resta avec lui dans son cabinet, affectueuse, pleine de tendresse et de caresses, jusqu'au moment où il passa dans sa chambre. Il était donc libre de dormir ou de ne pas dormir. Qu'il gémît, qu'il parlât, elle ne l'entendrait point, puisqu'il n'y avait pas de porte de communication entre sa chambre et celle de sa belle-mère. Sa voix, à coup sûr, ne passerait pas à travers la cloison. Qui lui eût dit, la nuit où il s'était décidé au mariage, qu'il en arriverait là, à avoir peur, à se cacher de celle qui lui avait rendu le calme du sommeil, et cela par sa faute, par un enchaînement d'imprudence et de maladresse, comme s'il était écrit qu'en tout, ce serait à lui seul qu'il devrait ses souffrances, et que s'il succombait jamais dans le tourbillon qu'il entraînait, ce serait par son fait, de sa propre main. Enfin, en attendant, il avait assuré la tranquillité de ses nuits, et pour plus de précautions, bien qu'il n'eût pas à craindre que Phyllis entrât dans sa chambre, pendant son sommeil pour le surprendre, elle qui n'osait pas regarder en face ce que le soupçon lui montrait, il ferma sa porte au verrou. Sans doute Phyllis ne pourrait pas toujours coucher auprès de sa mère, mais d'ici là, il chercherait un moyen pour faire franchement chambre à part, et sûrement il en trouverait un dans l'arsenal de la médecine. Ses soucis et de pareilles craintes n'étaient pas de nature à le disposer au sommeil. Aussi s'agita-t-il longtemps dans une insomnie nerveuse exaspérante. Comme la nuit était chaude, il crut qu'un peu de fraîcheur le calmerait et il ouvrit sa fenêtre. Si cette fraîcheur ne le calma pas, au moins l'endormit-elle. Obligé d'improviser un lit dans la chambre de sa mère, Phyllis l'avait placé contre la cloison qui la séparait de son mari. Et cela sans intention préconçue, simplement, par hasard, parce que c'était la seule place où elle put mettre ce lit. Au milieu de la nuit, un bruit insolite la réveilla. Elle s'assit pour écouter et se reconnaître. Il semblait que ce bruit venait de la chambre de son mari. Inquiète, elle appliqua son oreille contre la cloison. Elle ne s'était pas trompée. C'étaient des gémissements étouffés, des plaintes qui se répétaient à des intervalles assez rapprochés. Avec précaution, mais vivement cependant, elle descendit de son lit et comme l'aube avait déjà blanchi les vitres, elle put sortir adroitement et sans bruit. Arrivée à la porte de la chambre de son mari, elle écouta. Elle ne s'était pas trompée. C'était bien des plaintes, mais plus fortes, plus douloureuses que celles qu'elle avait si souvent entendues la nuit. Elle voulut entrer, la porte résista, fermée évidemment à l'intérieur par le pêne ou le verrou. Une frayeur vague la glaça. Que se passait-il? Il fallait savoir, courir près de lui, lui porter secours. Elle pensa à frapper, à secouer la porte. Mais puisqu'il n'avait pas répondu lorsqu'elle avait essayé d'ouvrir, c'est qu'il n'entendait pas ou ne voulait pas entendre. Alors l'idée lui vint d'aller sur la terrasse. De là, elle verrait ce qui se passait, et s'il le fallait, elle casserait un carreau pour entrer. Elle trouva la fenêtre ouverte et l'aperçut sur le lit, la tête tournée vers elle, dormant. Elle s'arrêta, se demandant si elle devait passer le seuil et l'éveiller. À ce moment, il prononça, les lèvres fermées, quelques mots plus distincts que ceux qui lui avaient tant de fois échappé. « Phyllis, pardonne. » Il rêvait d'elle, pauvre amie. Que voulait-il donc qu'elle lui pardonnât? De l'avoir menacée de l'endormir, sans doute? Dans l'entrebâillement de la fenêtre, elle avança la tête, sans entrer dans la chambre, tout attendrie de cette marque d'amour, pour lui donner un regard avant de retourner près de sa mère. Mais en apercevant son visage, que la lumière blanche du matin frappait en plein, elle fut effrayée. Il exprimait la plus violente douleur, ce visage aux traits convulsés. L'angoisse en même temps que l'horreur. Certainement, il était malade. Elle devait le réveiller. Au moment où elle faisait un pas pour aller à lui, il recommença à parler. « Ton frère ou moi ?» Elle s'arrêta foudroyée. Puis, instinctivement, elle recula et se cramponna à la fenêtre du vestibule pour ne pas tomber, se répétant les deux mots qu'elle venait d'entendre, ne comprenant pas, ne voulant pas comprendre. Au lieu de revenir près de sa mère, elle entra chancelante, se tenant au mur, dans le salon et se laissa tomber sur un fauteuil, anéanti, écrasé. « Ton frère ou moi ?» C'était donc la vérité, l'épouvantable vérité qu'elle n'avait jamais voulu voir. Elle resta là jusqu'à ce que les bruits du matin l'eussent averti qu'on allait la surprendre. Alors elle revint près de sa mère qui s'éveilla. « Je sors, » dit-elle. « Je rentrerai à 8h30 ou 9h. »« Mais ton mari ne te verra pas avant de partir pour l'hôpital ?»« Tu lui diras que je suis sortie. » Ce fut à 9h30 qu'elle revint. Madame Cormier achevait de s'habiller. « Enfin te voilà, » dit-elle. Mais au visage de sa fille, elle vit qu'il se passait quelque chose de menaçant. « Mon Dieu, qu'y a-t-il » demanda-t-elle tremblante. « Une chose grave, très grave, mais irréparable par malheur. Nous allons sortir d'ici pour n'y jamais revenir. »« Et ton mari ? Il ne faut jamais me parler de lui, c'est la prière que je t'adresse. » « Hélas, je comprends. Ce que j'avais prévu, ce que je lui avais dit se réalise. Tu ne peux pas supporter le mépris qu'à cause de ton frère, il fait retomber sur nous. Nous devons être désormais étrangers l'un à l'autre, et c'est pour cela que nous quittons cette maison. Mon Dieu, à mon âge, traîner mes os. J'ai arrêté un logement au Terne. Une voiture de déménagement va venir prendre les meubles qui nous appartiennent, ceux que nous avons apportés ici, ceux-là seulement. Pour le concierge, nous partons à la campagne. Pour Joséphine, tu n'as pas à craindre de questions indiscrètes. Je viens de lui donner son jour de sortie. Mais, et de l'argent? Il me reste 200 francs de la vente de mon dernier tableau. C'est assez pour l'heure présente. Avant qu'il soit épuisé, j'en aurai fait et vendu un autre. Ne t'inquiète pas, nous ne manquerons de rien. » Tout cela était dit d'un ton saccadé mais résolu. Un coup de sonnette les interrompit, c'étaient les déménageurs. « Veille à ce qu'on emporte que ce qui nous appartient, » dit Phyllis. « Pendant qu'ils chargeront leur voiture, j'écrirai dans le salon. » Au bout d'une heure, la voiture était chargée. Madame Cormier entra dans le salon pour en prévenir sa fille. « J'ai fini, » dit Phyllis. Ayant enfermé sa lettre dans une enveloppe, elle la disposa en belle vue sur le bureau de sa nièce. « Et maintenant partons, » dit-elle. Et comme sa mère soupirait en marchant difficilement, « Appuie-toi sur moi, pauvre maman, tu sais bien que je suis forte. » Chapitre 9. Saniel ne devait revenir qu'assez tard dans l'après-midi. Quand il rentra, en ouvrant la porte avec sa clé comme toujours, il fut surpris de ne pas voir sa femme accourir au-devant de lui pour l'embrasser. Elle travaille, se dit-il, elle ne m'a pas entendu. Il passa dans le salon, convaincu qu'il allait la trouver devant son chevalet, mais il ne la vit point, et le chevalet lui-même n'était plus à sa place habituelle, ni là, ni autre part d'ailleurs. Il frappa à la porte de la chambre de Madame Cormier. On ne répondit pas. Ayant frappé plus fort et attendu un moment, il entra. La chambre était vide, plus de lit, plus de meubles, personne. Il regarda autour de lui, stupéfait. Puis revenant vivement dans le vestibule, il appela. « Phyllis ! Phyllis !» On ne répondit pas. Il courut à la cuisine, personne. Il vint dans son cabinet, personne non plus. Mais comme il regardait autour de lui, la lettre de Phyllis, placée sur son bureau, lui sauta au cœur. Il se jeta dessus et d'une main tremblante, l'ouvrit. « Je suis parti pour ne plus revenir. Mon désespoir et mon dégoût de la vie sont tels que sans ma mère et sans le pauvre être qui est là-bas, je me serais tué. Mais malgré l'horreur de ma situation, il m'a fallu réfléchir et je n'ai pas voulu aggraver par une faiblesse le mal qui s'est fait autour de moi. Ma mère n'est plus jeune, elle est malade et elle a cruellement souffert. Non seulement je lui dois d'adoucir sa vieillesse par ma présence, par le soutien matériel et moral que je puis lui donner, mais il faut qu'elle garde la confiance que je suis là pour la remplacer et ouvrir mes bras à son fils, à mon frère. C'est bien le moins que je puisse faire pour eux, de l'attendre courageusement. Et si pesante, si terrible, si effroyable que soit désormais ma vie, je la supporterai pour que le malheureux, le paria que le sort implacable a terrassé, trouve en revenant un foyer, une maison, une amie. Ce sera là mon unique but, ma raison d'être. Et afin de me sauver des lâchetés, de la lassitude, ma pensée ira toujours en avant vers l'heure où me sera rendu celui dont je veux faire mon enfant et que mon amour doit sauver et guérir. Je sais que de longues années me séparent de ce jour et que mon cœur brisé ne pourra jamais, avant qu'il se lève, avoir un moment de repos. Mais j'emploierai ce temps à travailler pour lui, pour le frère, pour l'enfant, pour l'être chéri qui m'arrivera vieilli, désespéré. Et je veux qu'il puisse croire encore à quelque chose de bon, qu'il n'imagine pas que tout est injuste et infâme dans ce monde, car il me reviendra accablé par 20 ans de honte dégradante, imméritée. Comment les aura-t-il supportés, ces 20 ans? Quels efforts ne me faudra-t-il pas faire pour lui prouver qu'il ne doit pas s'abandonner à la désespérance et que la vie offre parfois le remède, la compassion aux plus profondes, aux plus injustes douleurs humaines? Comment lui faire croire cela? Comment amener son pauvre cœur fermé à la confiance, à l'épanchement, aux pleurs qui seuls pourront le soulager? Enfin, Dieu qui m'a tant éprouvé viendra sans doute à mon aide et m'inspirera les paroles consolatrices, me montrera le chemin à suivre et me donnera la force de la persévérance. N'ai-je pas déjà à le bénir d'être seul au monde en dehors de la maman et du frère, de ceux qui ne me trahiront pas? Je n'ai point d'enfant de mes entrailles, et je suis sauvé de la terreur de voir une âme grandir pour le mal, une intelligence m'échapper et aller vers l'infamie ou le déshonneur. Je me retire donc comme je suis venu. Pauvre fille, j'étais, pauvre femme, je m'en vais. J'ai repris les vêtements et les objets personnels que j'avais apportés dans le logis commun, aucun de ceux acquis de l'argent commun, et je vous interdis de rien changer à ma volonté en ce qui touche cette question matérielle, pas plus qu'à ma résolution de vous fuir. Rien ne peut plus nous réunir, jamais. Rien ne nous réunira. Aucune considération, aucune nécessité. Je repousse le passé, ce passé coupable dont la responsabilité pèse si lourdement sur ma conscience, et je voudrais perdre la mémoire d'un temps détesté. Il me serait impossible d'accepter la lutte, ni des supplications s'il vous convenait d'en faire. J'ai tranché nos liens, et nous serons désormais aussi loin l'un de l'autre que si l'un de nous était mort, plus loin encore. N'ayez donc aucun scrupule à me laisser seul en face d'une nouvelle vie, d'un recommencement qui peut paraître difficile et pénible à quiconque n'est pas à ma place. Les épreuves d'autrefois m'auront été bonnes, puisqu'elles m'ont aguerri aux difficultés du travail. La désolation d'aujourd'hui me soutiendra, en ce sens qu'ayant souffert tout ce qu'on peut souffrir, je n'ai plus à craindre quelque catastrophe décourageante qui m'arrêterait dans mes résolutions. Pour ne pas vous compromettre et redevenir mieux moi-même, je reprendrai mon nom de famille. non déshonoré, mais que je porterai sans honte. Je vivrai obscurément, absorbé par le travail et m'appliquant à oublier jusqu'à votre existence. Faites de même. Vous trouverez peut-être que je suis dur, si vous songez au passé. Cependant, ce n'est pas une désertion égoïste que ce départ. Je ne vous suis plus bon à rien, et le repos dont vous avez besoin vous fuirait désormais près de moi. Au contraire, cherchez l'oubli, comme je vais le chercher moi-même. Si vous parvenez à effacer de votre vie le temps pendant lequel je l'ai traversé, vous arriverez peut-être à éloigner le reste et à reconquérir un peu du calme d'autrefois. Je ne peux plus me rappeler que je vous ai aimé, car ma situation a cela de particulier que je ne garde même pas le refuge du souvenir. À mon âge, il faut que je reste sans passé comme sans avenir. Ce qui fait la consolation des malheureux me manque avec tout. Je ne puis pas sortir de mon accablement pour essayer de retrouver une heure où la vie se soit montrée douce pour moi. Ces heures-là, au contraire, me font frémir, et je me les reproche comme un crime. Ainsi, de quelque côté que je me retourne, je ne trouve que la douleur et le regret poignant. Tout est flétri, déshonoré pour moi. Il avait lu cette lettre écrite d'un trait, d'une seule poussée, debout au milieu de son cabinet. Arrivé à la fin, vaguement, il regarda autour de lui. Son fauteuil était un peu écarté de son bureau. Il se laissa tomber dessus et resta là, anéanti, gardant la lettre dans sa main crispée. Seul. C'était une après-midi d'octobre, sombre et boueuse. Dans la rue des Saints-Pères, le long des maisons qui cachent l'hôpital de la Charité, des coupés étaient rangés, attendant, et leur file se prolongeait jusque sur le boulevard Saint-Germain, où les cochers, descendus de leur siège, causaient en gens qui sont habitués à se rencontrer. Du porche à colonnes prétentieuses et lourdes qui fait le coin de la rue et du boulevard, vers 4h30, dans l'obscurité qui commençait, on vit sortir des hommes à la tournure grave et aux vêtements sombres, les membres de l'Académie de médecine qui, la séance du mardi levée, regagnaient leur voiture. Les uns, ceux-là étaient seuls, vivement pour partir grand train. Les autres, ceux-là étaient accompagnés, avec d'habiles lenteurs, s'arrêtant pour aborder aimablement un journaliste et lui recommander leur communication de ce jour, ou bien continuant avec un confrère non-académicien l'entretien commencé dans la salle des pas perdus. C'était la bourse aux consultations qui s'achevait, l'originalité la plus amusante de ce lieu pour ceux qui savent regarder ou sont au courant des petites intrigues électorales qu'on joue là. Tous les membres de l'Académie n'ont pas, en effet, une longue liste de malades chez qui courir, mais tous ont une voix à donner, et ce sont ceux-là que les candidats entourent en tâchant de les gagner. On a déjà une riche clientèle, mais on n'est pas encore de l'Académie. On manœuvre donc pour y arriver. Avec le chirurgien, on arrange, aux frais des clients qui ont la foi, une consultation pour aller voir un panari superficiel. Avec le médecin, on en arrange une pour visiter une migraineuse. On espère que le jour du vote venu, l'académicien ne refusera pas sa voix à un confrère qui, par des consultations de cette importance, vous fait gagner 1 000 ou 1 500 francs par an, vous envoie du gibier de sa chasse, sa loge à l'opéra, son coupon des Français. Et qu'en galant homme qu'il est, il aura la reconnaissance de l'estomac ou du porte-monnaie. Un des académiciens, qui parut le dernier au haut des marches, était un homme de grande taille, mais voûté, au visage creux et blême, qui éclairait deux yeux bleus pâles, d'une expression étrange, dure et désolée à la fois. Il s'avançait seul, et à sa démarche lourde, à son pas traînant, on pouvait se demander s'il avait 60 ans, tandis que, par d'autres côtés, il gardait encore une certaine jeunesse. Saniel, vieilli de 20 ans. Sans que personne échangeât un signe de tête ou un serrement de main avec lui, il descendit sur le trottoir, et le remontant, il vint jusqu'au boulevard où il ouvrit la portière d'un coupé dont l'intérieur montrait l'installation complète d'une bibliothèque ambulante. Tablette pour écrire avec papier, encrier et lampe, poche, soufflet, tous pleins de livres et de brochures. Au moment où il allait monter, une voix l'arrêta. « Cher maître !» Il se retourna. C'était un de ses anciens internes, médecin depuis peu dans la banlieue, du côté de Gentilly, qui accourait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Saniel. Je voudrais vous prier de venir m'assister dans un cas d'éclampsie très curieux, où votre intervention peut être décisive. Où ? À la Maison Blanche, une pauvre femme. Quel jour pourrez-vous me donner ? Il y a urgence ? Oui. Tout de suite alors, montez avec moi, après avoir donné des explications à mon cocher. Mais à ce moment, un homme à cheveux blancs, vêtu de velours marron, coiffé d'un feutre cabossé et chaussé de sabots, vint vers eux, accompagné de deux jeunes gens avec lesquels il discourait à voix haute en gesticulant. Sur leur passage, on se retournait pour les regarder, tant était originale, au milieu des gens corrects qui à ce moment passaient par là, la tenue du vieux brigard, resté des pieds à la tête, l'homme d'autrefois. Il vint à Saniel, les deux mains tendues, et Saniel, chapeau bas, l'accueillit avec toutes les marques du respect. « Enchanté de vous rencontrer, » dit Brigard, « car j'ai été hier à votre consultation sans vous voir. Comment ne m'avez-vous pas prévenu par un mot ? Si vous avez besoin de moi, je suis tout à vous. » « Merci. Je n'ai pas, par bonheur, besoin de vos conseils. Ni pour moi, vous le voyez, ni pour les miens. C'était simplement vous voir que je voulais. Arrivé chez vous avant l'heure, j'ai attendu dans votre salon, puis sont entrées derrière moi plusieurs personnes. Une jeune femme qui paraissait cruellement souffrir, une vieille dame qui donnait tous les signes de l'anxiété, enfin, un homme agité de mouvements désordonnés qui ne pouvait rester en place. Et moi, les regardant, je me disais que n'ayant qu'une visite amicale à vous faire, j'allais prolonger l'attente de ces malheureux qui comptaient les minutes. Alors je suis partie. Puis-je vous demander ce qui me valait l'honneur de cette visite ? Les deux jeunes gens qui accompagnaient Brigard et l'ancien interne de Saniel s'étaient discrètement éloignés de quelques pas. Le désir de vous présenter mes félicitations. Quand j'ai appris votre candidature à l'Académie de médecine, je me suis dit, en voilà un qui n'a aucune chance. Il a l'originalité, l'ami Saniel, la force. Il a réussi brillamment et ces qualités-là ne sont pas précisément académiques. Je me trompais. Vous avez enfoncé les portes, ce qui est la seule manière d'entrer dans ces endroits que je comprenne. C'est pour cela que je vous félicite. Et puis j'ai eu des torts envers vous, autrefois. Des torts, vous ? Je vous ai accusé de vous croire plus fort que la vie. Vous l'étiez en effet. Mes compliments. C'est un spectacle réconfortant pour moi de vous suivre. Après avoir chaleureusement serré les mains de Saniel, il s'éloigna accompagné de ses deux disciples en prêchant. Le jeune médecin s'était approché de Saniel. « Voilà un original, » dit-il. « Oui, un homme heureux.